Bonjour, je m'appelle Patrick. Tu vas dire bonjour à des gens. Bonjour des gens. Patrick ! Allô ? Allô ? Je te présente Patrick. C'est qui Patrick ? Patrick ! Je me trouve très bien, je suis dans cette radio. Tu sais, JBR ? Patrick, je t'aime, je t'adore. Tu es génial, le super cool. C'est tout. Misère. Oh, je suis cassé. Ça t'énerve, hein. Salut, Koé, salut Patrick. Tu peux parler à Patrick, il t'écoute. Est-ce que t'as eu peur de venir à l'émission de Koé? Qu'est-ce que t'as dit? Patrick! Koé. Du tape. C'est un kumquat. C'est un kumquat. Koé et Patrick Koé. Kikets. Badaboum. Badaboum. Kikets. Vas-y, remonte le son plus fort. J'adore ce truc. Il faudrait que la chanson française soit représentée et que vos audiences ne baissent pas. Patrick. Patrick, il t'écoute. Allô? Allô? Cette chanson a une place? C'est un peu dégueulasse.